Le gouvernement de la Fédération de Russie a fait encore don des céréales à la Corée, comme en décembre de l'année dernière. Les céréales envoyées par l'entremise du Programme mondial de l'alimentation sont arrivées le 20 juillet au port de Nampo. Le 22 courant, le chargé d'affaires par intérim de la Fédération de Russie et ses collaborateurs, ainsi que les membres de la représentation du Programme mondial de l'alimentation en Corée, ont assisté au débarquement.